à Madame du Châtelet par Voltaire. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. Si vous voulez que j'aime encore, rendez-moi l'âge des amours. Au crépuscule de mes jours, rejoignez, s'il se peut, l'aurore. Des beaux lieux où le dieu du vin, avec l'amour, tient son empire, le temps qui me prend par la main m'avertit que je me retire. De son inflexible rigueur, tirons au moins quelque avantage. Qui n'a pas l'esprit de son âge a tout le malheur. Laissons à la belle jeunesse ses folâtres emportements. Nous ne vivons que deux moments, qu'il en soit un pour la sagesse. Quoi, pour toujours vous me fuyez? Tendresse, illusion, folie, don du ciel qui me consoliez des amertumes de la vie. On meurt deux fois, je le vois bien. Cesser d'aimer et d'être aimable, c'est une mort insupportable. Cesser de vivre, ce n'est rien. Ainsi je déplorais la perte des erreurs de mes premiers ans, et mon âme, au désir ouverte, regrettait ses égarements. Du ciel, alors, daignant descendre, l'amitié vint à mon secours. Elle était peut-être aussi tendre, mais moins vive que les amours. Touchée de sa beauté nouvelle et de sa lumière éclairée, je la suivis. Mais je pleurais de ne pouvoir plus suivre qu'elle. Voltaire.